sur une lyricale stratégie où la rime extrait fléchit. Réagit face au mensonge, au colporteur de calomnie. Trop de jalousie, amis ennemis prêts à l'ironie. Au service du service, tellement de faire gober des conneries. Ils fuient tous. La vérité éclate au grand jour. Celle qui triomphera un jour, fera du bruit aux alentours. Celle qui nuit à l'homme, celle qu'on étouffe nuit et jour. Celle qui est dissimulée par ces hommes politiques dans leurs discours. Celle qui blesse les cœurs des mœurs. Laisse un goût amer aux frères dans l'erreur qui voudraient voir mon taf par terre. Sur la vie de ma mère, les gens se mentent à eux-mêmes. Referment les portes, la vérité entraînée par un système manipulateur. Ils ballons tous la face pour une liasse. Efficace dans leur manigance, parlent sur mon crew comme des tas. Allez, trop beau bar. De quoi endormir toute une populace. Les oreilles sont crasses face à tous ces mensonges qui passent. À des années-lumière d'une pensée au diapason, la vérité est ailleurs pour ceux qui y croient. Elle est bien plus proche que le mensonge qui est en soi. À des années-lumière d'une pensée au diapason, la vérité est ailleurs pour ceux qui y croient. Elle est bien plus proche que le mensonge qui est en soi. Franchement, qui croit? Président qui ment sous serment. Ouh. Une fille qui se vend pour 2 francs sur le trottoir. Ni noir ni blanche, la vérité n'a pas de couleur. Ici ou ailleurs, faut décrypter les programmes, les hologrammes. Faut lire entre les lignes avant que l'état t'assassine. Faut maîtriser l'information, faut pas finir comme un pion, manipulé au gré des situations. La vérité dépend de la position dans la société, d'un individu, mais dans la rue, en qui avoir confiance? En une police qui prend des airs de milice quand la lune éclaire le bitume. La raison n'a pas sa place dans le béton. Après les montages et les immolations d'un simple esprit, mettant dans une drôle de position l'état qui prend. Aujourd'hui l'hypocrisie réduit à néant les champs. Demain ne sera pas notre jour. Juste une vie sans sens, censée nous pousser à œuvrer vers la vérité, bousculer les états d'âme enclavés dans un mensonge pieux à leurs cieux de non-voyants. Résultat, au courant vers la justice sont non-croyants. La ligne du fond est occupée par les réclamations. Pour rentrer à la maison, à l'abri de l'oppression. Et encore, faut-il pouvoir partir dignement sans se retourner afin de ne pas finir en dément. Le mensonge désire toujours laver le cerveau de ceux qui l'utilisent façon intellect. Car la vraie sagesse inépuisable est dans la tête. À des années-lumière d'une pensée au diapason, la vérité est ailleurs pour ceux qui y croient. Elle est bien plus proche que le mensonge qui est en soi. Je crois pas à toutes ces histoires qui donnent toujours faim. Aujourd'hui beaucoup de jeunes meurent en pensant à demain. Au fur et à mesure ça sent le roussi sur l'enfer terrestre. D'une catégorie sociale montrée du doigt comme extraterrestre. Roswell ne représente que la face cachée d'un malaise travesti en vraie fausse rumeur, fausse thèse. Quand Zinedine Marc, Zidane est proclamé président alors qu'il refuse à Rachid la carte de résident. Le mensonge est souverain tant qu'il reste vérité. Certains hommes l'ont démontré et c'est de leur vie qu'ils ont payé. Trop cher à mon goût pour une vérité amère. C'est un meurtre pour mémoire envers nos frères. E.G. raccroche le téléphone, message reçu. Reste opérationnel dans ce monde déchu. Le moment viendra où chaque être devra rendre ses comptes. Pour les menteurs, c'est un recours qu'ils comptent. À des années-lumière d'une pensée au diapason, la vérité est ailleurs pour ceux qui y croient. Elle est bien plus proche que le mensonge qui est en soi. À des années-lumière d'une pensée au diapason, la vérité est ailleurs pour ceux qui y croient. Elle est bien plus proche que le mensonge qui est en soi.